Au-delà du brouillard, c'est encore le brouillard. Dedans, parfois, je vois ton 10 000 ans. Au-delà du brouillard, c'est encore le brouillard. Soudain, je me souviens quand j'étais soleil levant. Un vieux cerf s'étonne de me voir passer là, se demandant sans doute si je suis déjà mort. D'autres temps, d'autres lieux, c'est un autre que moi, qu'il a croisé par là, d'autres vents, d'autres dieux. Silhouette fantôme, horde sauvage, agonisant de n'avoir qu'une main à se tendre. Nulle trace dans le fleuve où j'ai nagé un jour, avec femme où j'ai cru que l'amour était feu. Oui, mais feu, notre amour n'était que cendre au vent. Et l'aube ne m'éclaire que des suppositions, de silence en question, on construit son empire, et de châteaux de sable et de rives, on dérive toujours, on essaie d'être roi. On essaie d'être soi. De sourire en soupir, oui, dans le lit des femmes, qu'on prend et qu'on oublie, on s'oublie peu à peu, avant qu'on nous oublie. On se croit l'audestape, quand on n'est que brebis, sans troupeau ni berger, sans étoile hallucinée. Sur la route, un vieil homme s'en va à la rencontre d'un bien plus vieux que lui. Et ce plus vieux, c'est moi. Ou peut-être toi. Le vieil homme est assis sur un banc, il fume. Une danseuse, je veux dire, il fume une gitane. Comme on fume le temps, je lui dis quelques mots. Il me répond les siens, on ne se comprend pas. Mais nous faisons semblant tout en sachant tous deux qu'en commun nous avons la vieille dame en noir qui nous attend. Au-delà du brouillard, c'est toujours le brouillard. Dedans, parfois, je crois que je suis soleil levant. Mais mes rêves s'éteignent les uns après les autres. À chaque pas de plus, c'est toujours un de moins. Au-delà du brouillard, c'est toujours le brouillard. Dedans, parfois, je vois dans 10 000 ans. Et je pense aux enfants de nos petits-enfants que nous n'avons pas eu mais qu'on aura demain. Si j'avais mes 20 ans, mais je n'ai pas d'enfants et je n'ai plus 20 ans. Alors je marche seul comme un vieux régiment qui n'a plus de conquête. Quand on est au sommet, on ne peut que descendre ou apprendre à voler. Au-delà du brouillard. Au-delà du brouillard, sur la route, un vieil homme s'en va à la rencontre d'un bien plus vieux que lui. Ce plus vieux, c'est moi.